Les participants au séminaire Internet de la région américaine sur les exploits révolutionnaires et immortels des grands hommes sans égal Pectusan ont adressé une lettre au dirigeant suprême Kim Jong-un. Les destinataires y ont noté que le présent séminaire a été une occasion de transmettre à jamais la vie révolutionnaire et les exploits sublimes du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, leader éternel du peuple coréen, et d'admirer une nouvelle fois de plus le leadership sans pareil de son excellence le maréchal Kim Jong-un, qui continuent telles quelles les idées et causes des leaders précédents. Ils ont indiqué que tous les récents succès coréens sont le résultat qui convient à la politique de Sun Gun et à la primauté des masses populaires de son excellence Kim Jong-un, qui s'efforce de développer la Corée en pays le plus prestigieux et de rendre les Coréens les plus heureux. Ils ont également exprimé la conviction que la Corée manifestera sa puissance défendant les meilleures idées et régimes indépendants et populaires, ainsi que la paix et la sécurité du monde, et représentant la justice de la communauté internationale, et deviendra à coup sûr une puissance unifiée selon le vœu du président et du général. Les destinataires ont décidé d'œuvrer de leur mieux pour l'ouverture fructueuse du 5e festival international en l'honneur des grands hommes Baekdusan, prévu au district du Mont Baekdu et à Pyongyang en août de cette année.